Le réservoir. Coming straight from the underground. Ça, c'est l'indépendance. Cette semaine dans Le Réservoir, un musicien qui a fait du pianotage tout un art. Bonjour. Christophe Pechanat, aussi connu, voire peut-être plus, sous le nom de Klimperei. J'avais la coquetterie de vouloir dissimuler mon âge, mais on m'a obligé à le dire, donc 63. Et je suis à Lyon depuis l'âge de 18 ans. Donc, je vous laisse calculer. Lui-même l'a dit, si vous connaissez déjà Christophe, c'est sans doute sous le nom de son principal, mais pas unique, projet musical, Klimperei, qui en allemand veut dire « pianotage ». Et pour discuter de toutes ces années passées sans cesse à pianoter, Christophe a choisi plusieurs parcs peu connus de la Croix-Rousse, et le premier, c'est le parc Francis Poppy. Alors Poppy, écrit avec un P ou deux P, selon les auteurs, c'était un musicien du... 19e, je crois, à vérifier, qui a laissé assez peu de traces dans l'histoire de la musique, mais dont on peut aujourd'hui trouver quelques œuvres sur YouTube. Voilà, c'est pas renversant, mais d'un point de vue anecdotique, c'est plaisant. J'aime bien le mot Poppy, en fait, qui me rappelle d'une part un groupe de jeunes chanteurs de ma jeunesse, les Poppies, hein, mais ça tu dois pas connaître. Bon, c'est pas de ma génération, mais je connais quand même. Et puis ça me rappelle aussi André Pop, hein, que tu dois connaître pour le coup. Eh ben, pas vraiment, non. Ah, bah découvrir alors. Mettre ici une petite incise, un petit extrait d'André Pop. Très intéressant, qui mélange l'écriture classique, la recherche électroacoustique, qui se permet beaucoup d'audace, hein, qui a fait beaucoup de musique pour des émissions de télé, des documentaires, des films, mais aussi des chansons de variété. C'est un très très grand arrangeur. André Pop, les Poppies, Francis Poppy, et si l'on regarde du côté des influences que Christophe a souvent citées en interview pour Klimperei, Maurice Ravel, Eric Satie, Francis Poulenc d'une part, et d'autre part des groupes expérimentaux des années 70 comme Étron Fou, bref, que des références françaises. Comme si Klimperei s'était volontairement placé en successeur d'une certaine tradition musicale hexagonale. Alors, il y avait une volonté, certes, mais pas franco-française. C'était plutôt une volonté européenne, on va dire, parce que j'ai aussi cité Nino Rota. Et aussi les musiques d'Europe centrale, notamment... Petit trou, là. Voyons voir. Si je re-regarde dans les vieilles interviews glanées sur Internet, Béla Bartók. Merci, notamment Bartók. Qui font partie vraiment de mon substrat. Mais c'est vrai que c'était un peu une façon de marquer la différence avec la musique anglo-saxonne que j'aime beaucoup par ailleurs, mais dont j'estime qu'il n'y a pas nécessité qu'on en fasse des ersatz ou des copies, enfin des choses comme ça. Et il y a une autre tranche aussi qui m'a beaucoup influencé, mais peut-être de manière moins visible, c'est ce qu'on appelle peut-être encore le krautrock, c'est-à-dire la musique allemande des années 70. Klimperei, comme l'indique d'ailleurs son nom, c'est donc de la musique européenne. Et si l'on veut préciser encore la définition, on peut dire que c'est de la musique européenne légèrement déconcertante. Je crois que, enfin, pour faire simple, et pas seulement pour la musique, en art en général, ce qu'on appréciait, ce qu'on apprécie toujours beaucoup, c'est les choses qui dérangent, c'est les choses qui vont pas de soi. C'est, voilà, on n'aime pas trop le confort. Autant je parlais de confort tout à l'heure sur les questions autres, mais musicalement, si tout se déroule comme prévu, pour moi ça présente assez peu d'intérêt. Donc ça va être soit dans les sonorités, soit dans la structure, soit dans des hardiesses harmoniques, mais bon, il faut que ça, à un moment donné, il faut que ça réveille l'auditeur et qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qui se passe là, il manque un bout, la note ça va pas. Enfin, c'est la manière dont je vois les choses, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout adepte du confort, pour la musique en tout cas, ou pour l'écriture. Après, pour un fauteuil, je dis pas. Quand en 1985, Christophe fonde Klimperei, il n'est pas seul à la manœuvre. Avec lui, sa femme de l'époque, Françoise, qui ne quittera le groupe qu'en 2002. Quand j'ai rencontré Françoise, je faisais ce qu'on appelle peut-être encore, de l'électropop. En gros, musique avec boîte à rythme, synthétiseur, séquenceur et un peu de guitare électrique. Donc ça, c'était sous le nom de Los Paranos. Ça m'amusait beaucoup, mais c'était un peu, ça devenait un peu du pilote automatique, quoi. Donc Françoise, qui est arrivée avec un bagage beaucoup plus classique que le mien, s'est assez vite ennuyée dans ce genre de contexte musical et m'a proposé qu'on achète un piano et qu'on travaille à quatre mains. Donc à l'époque, je travaillais très peu, elle pas, enfin, autant dire que les finances étaient maigres. Et donc, pour acheter le piano, j'ai vendu tous mes disques et tous mes instruments de musique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait table rase d'un certain nombre de choses et pour acheter un piano. Donc voilà, le piano arrive à la maison, on est très content. Je commence à composer, à écrire, ce qui veut dire que je me replonge dans les subtilités de l'écriture musicale que j'avais vaguement effleurée quelques décennies auparavant. Et puis un ami et voisin qui habitait donc à côté de chez nous, sur le même palier à l'époque, écoutant cette nouvelle orientation musicale, me dit « Mais tiens, mais pourquoi vous n'essayeriez-vous pas d'ajouter quelques bricoles ?» Alors, il collectionnait les petits instruments, xylophone, apo, métallophone, etc. Donc, il nous passe 2-3 trucs qu'on commence à intégrer et on trouve que ça marche bien. Thank you. C'est pour cette raison que Klimperei, encore maintenant, est souvent catégorisé toy music ou même musique pour enfants. Une catégorisation assez paresseuse parce que la musique de Christophe, en solo ou avec Françoise, n'est absolument pas réductible aux instruments utilisés. Il ne faut pas que le jouet devienne un prétexte, une espèce de grosse étiquette qui ferait passer tout et n'importe quoi. Nous, ça, quelque part, ça nous arrangeait d'être étiquetés comme ça. Voilà, on savait où nous ranger. Mais ça amène à des quiproquos qui sont assez drôles. Je peux me permettre une anecdote. Il y a quelques années, avec ma partenaire habituelle, Madame Patate, une musicienne qui accompagne souvent Christophe lors de ses représentations live, on est allé enregistrer une session à Radio France. Et là, il n'y avait quasiment aucun jouet. On était dans un moment où on était plus dans expérimental, électronique. La séance d'enregistrement était suivie par une interview. Et une des premières questions, c'est, alors, vous utilisez des jouets? Et donc, j'étais contraint de dire, mais non, enfin, vous avez vu, on n'a pas à utiliser de jouets. Enfin, c'est pour montrer que le système de représentation est tel que la réalité n'est même plus perceptible. Quoi. Bon. Alors, à défaut de le considérer comme une tête de proue de la toy music, tentons de le considérer autrement. Et par exemple, en précurseur de ce qu'on appelle la bedroom pop. Je m'explique. En faisant de la musique intimiste chez eux, avec des moyens rudimentaires, en ayant pour seule ambition que de la partager à ceux qui le voulaient bien sur des cassettes audio faites à la main, Christophe et Françoise ont anticipé toutes celles et ceux qui maintenant produisent aussi de la musique intimiste dans leur chambre d'ado, avec des moyens techniques rudimentaires, en tout cas par rapport à la débauche technologique actuelle, et qui n'ont comme seule ambition que de la partager sur YouTube ou TikTok avec des clips faits à la main. Bon, la différence majeure qui fait que mon hypothèse est un peu instable, c'est qu'un morceau comme celui qu'on vient d'écouter, Pretty Girl, de la jeune artiste Clairo, il culmine à 80 millions de vues sur YouTube. La bedroom pop, par ailleurs, est devenue un genre presque codifié. Bref, la spontanéité semble beaucoup plus vite qu'avant se conformer aux exigences capitalistes. Mais en tout cas, la possibilité qui est offerte à tous de faire et de partager sa musique, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Christophe. Et en fait, je suis très partagé là-dessus. J'aime pas l'idée que tout le monde peut faire n'importe quoi, poser comme ça. Pour moi, si des gens ont envie de faire de la musique, c'est déjà bien. Enfin, et puis, il y a énormément de choses. Je vois surtout dans les courants lofi et peut-être bedroom music sans le savoir. Moi, j'entends des choses qui sont vraiment très très chouettes. Sur Bandcamp, on peut découvrir des centaines de trucs. Dans ces cas-là, je suis beaucoup plus touché par la dimension émotionnelle. Rudimentaire émotionnel, c'est-à-dire que parfois on sent ou on croit sentir qu'il n'y a pas forcément un gros background culturel, musical, mais ça fait rien, les gens font des trucs et c'est touchant. Et le fait que l'instrumentation ou même le système d'enregistrement soit rudimentaire, c'est touchant aussi parce que ça tout le monde l'a bien perçu, on revient quand même à l'introduction du bruit et de la texture dans le son. Passer l'euphorie du tout numérique où c'était vraiment super d'avoir des sonorités hyper propres, on s'est rendu compte que c'était ennuyeux. Thank you. Après le parc Francis Poppy, Christophe m'a emmené dans un autre parc que je ne connaissais pas non plus, le parc Chazière, situé juste à côté du parc de la Cerisaie. Le parc Chazière entoure lui aussi une vieille maison bourgeoise, mais contrairement à la villa Gillet, qui a depuis longtemps été réhabilitée en institution culturelle, la villa Chazière est, elle, encore à l'abandon. Et voilà, c'est un endroit un peu secret, où j'aime bien venir, parce que j'aime beaucoup ces endroits abandonnés et désuets. Enfant, j'ai grandi en Haute-Saône, et dans une petite ville qui s'appelle Héricourt. Et à l'époque, déjà, il y avait une crise économique qui était assez importante, puisque la plupart des industries locales, qui étaient des filatures, étaient à l'abandon. Donc c'était terrain de jeu pour les enfants de rentrer dans ces usines, de s'amuser à démonter ou à démolir des machines, à récupérer des roulements à billes, etc. Donc voilà, j'ai un attachement émotionnel assez fort avec ce qui est ruine, abandon, terrain vague, ce genre de choses. Oui. Un attachement au déclin, au délabrement qu'on peut sans doute rattacher à la dimension périssable du mail art, un art propre au milieu do it yourself et pas mal pratiqué par ceux qui, dans les années 80, produisaient aussi de la musique sur cassette. Alors le mail art, ben, comme son nom l'indique, c'est de l'art postal. Ça consiste à personnaliser une carte postale ou une enveloppe, hein, donc quelque chose qui est visible de l'extérieur, qui est visible par le facteur notamment. C'est de l'art, mais c'est un côté dérisoire, puisque ça peut être aussi perdu, jeté, abîmé. Donc c'est juste cette espèce de plaisir instantané à recevoir une enveloppe abondamment décorée, donc ça dépendait vraiment des styles de chacun. Et voilà, c'était ah, c'est chouette. Ça faisait voilà, c'est le petit plaisir comme ça, le petit pop. Après le démarrage pour moi. La découverte de ce réseau-là, ça a commencé par les revues de poésie au sens strict. C'est-à-dire que dans le même temps où je faisais de la musique, j'avais aussi la prétention d'écrire des poèmes, de la poésie. Je déteste ces mots-là. Et je cherchais, évidemment, comme tout jeune poète fringant, à publier mes travaux. Et donc j'ai acheté quelques revues dans une librairie lyonnaise. Et dans les revues, il y avait souvent une critique des autres revues, enfin une liste qui faisait mention de ce qu'ils avaient. En fait, ils s'échangeaient les trucs entre eux et chacun parlait des autres. Et du coup, j'ai commencé à mettre le nez dans des revues un peu moins traditionnelles, un peu moins classiques, où justement, il y avait ce décloisonnement entre la musique, le graphisme, l'écriture. Et j'étais beaucoup plus à l'aise là-dedans, où en fait, moi-même, je faisais un peu tout. Enfin, c'était une période un peu sans censure. Tu as envie de faire un truc, tu le fais. C'était vraiment un lieu d'échange, de partage. J'ai découvert des tas de trucs. On a lié des amitiés qui durent encore. C'est difficile de décrire cette excitation, cette émulation sur un univers qu'il faut imaginer sans internet et sans smartphone. Donc, tout se passait par courrier. Rarement on se téléphonait, mais il fallait vraiment qu'il y ait une urgence, un truc incroyable, quelqu'un qui est mort ou je ne sais pas quoi. Mais sinon, c'était tout par courrier. Donc, il y avait à la fois cette lenteur. Tu reçois quelque chose, tu le lis, tu y réponds, tu y réagis. Il y avait à la fois une lenteur et une permanence, puisque tous les jours ou presque, il y avait une lettre. Il y avait aussi donc des choses qui étaient en off, c'est-à-dire que, outre ce qu'on pouvait envoyer pour publication, il y avait des liens qui se sont créés avec des personnes, en musique, en graphisme, peu importe. Et il y avait aussi donc beaucoup de correspondances, donc là d'ordre privé, mais qui était très intense. Et durant ces années 80 et 90, tandis que Christophe et ses amis reçoivent dans leur boîte aux lettres toutes ces revues, toutes ces lettres, toutes ces cassettes comme autant de petits cadeaux faits main, les industries de la musique et du divertissement prennent, eux, une dimension gigantesque et plus que jamais mondialisée. Star Wars, Michael Jackson, Steven Spielberg, Madonna, MTV, c'est toute une culture mainstream très fortement américanisée qui se déverse sur le monde. Sur tout le monde ? Eh bien, pas vraiment, car dans leur bulle, Christophe et le réseau Do It Yourself dont il fait partie restent déconnectés de tout ça. On n'était pas franchement en opposition, même si ça me fait penser au Rock in Opposition aussi, qui est un mouvement qui a bien marqué son temps ces années-là. Mais en fait, on était tellement décalés qu'on ne se rendait même plus compte. À partir du moment où tu ne regardes plus la télé, tu n'écoutes plus la radio, tu ne lis plus les journaux, et que ton univers, ton information est constituée presque essentiellement de ce réseau où tu envoies et tu reçois des choses, le mainstream n'existe plus. Enfin, si, tu le subis un peu quand tu prends le bus, voilà, mais c'est anecdotique. Thank you. terminer notre discussion, Christophe et moi avons quitté le parc Chazière et sommes remontés jusqu'à l'impasse d'Ypres, un joli chemin en contrebas du cimetière de la Croix-Rousse où il va parfois cueillir quelques mûres. Puis nous nous sommes assis sur un banc du jardin d'Ypres, pas loin d'une statue de la Vierge érodée par le temps. Et constatant sa connaissance de la géographie croix-roussienne, qui lui vient notamment de son métier d'aide-soignant à domicile, je me suis dit que s'il aimait arpenter tous ces parcs et toutes ces rues, c'est peut-être qu'il y entendait des sons, voire des petites musiques qui l'inspiraient. Non. La musique, elle vient de l'intérieur. C'est pas des sons, c'est pas le bruit du vent ou le chant des oiseaux qui va m'inspirer quelque chose. Pour moi, la musique, c'est de l'organisation, c'est de la structure. Et ça, c'est moi qui commande, c'est moi qui fais. Alors par contre, je peux taper sur les lattes du banc pour faire un petit rythme, un truc comme ça. Ça m'arrive d'enregistrer même avec un smartphone des petits bouts de trucs que j'utilise ensuite. Mais ça va plutôt être des matériaux qui vont m'inspirer ou en tout cas m'apporter quelque chose. Je suis souvent en train de tapoter les objets, les grilles, les clôtures, les bouts de bois, les sonnettes de chez les patients, le bruit de l'ascenseur, toutes ces choses-là. Mais ça, pour moi, ça va être du matériau, c'est pas de la musique. Mais si Christophe affirme que sa musique lui vient de l'intérieur, comme il l'a dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'il sait exactement où il va quand il commence un morceau. C'est très rare. J'ai eu quelques morceaux qui se sont construits en rêve, ou quelques morceaux qui sont construits en marchant. Je parle de la dimension mélodique. Mais sinon, c'est souvent... En général, ça démarre sur du bricolage, ça démarre sur un petit germe qui va grandir et qui va construire le reste. Et c'est presque comme si j'y étais pour rien. Ça va de soi. Et si ça va de soi, c'est que la musique n'arrête jamais d'irriguer les veines, les nerfs et les synapses de Christophe. Qui est-ce qui disait ça ? Je crois que c'est Beckett. Alors, loin de moi l'idée de m'identifier à Beckett, mais quand on lui demandait pourquoi il écrivait, il disait qu'il était bon qu'à ça. Je pense que pour moi c'est un peu ça aussi. À partir du moment où j'ai découvert la musique non standard, que je me suis rendu compte que oui, on pouvait faire ça, on avait le droit de faire ça, c'était possible de faire des choses entre guillemets anormales ou imprévues, pour moi c'était vraiment comme un gamin qui découvre un coffre rempli de jouets et qui se dit ouais, c'est super, il y a ça, puis je peux faire ça, puis je peux encore faire ça, et puis je peux assembler ça avec ça, et ainsi de suite, et c'est sans fin. Donc d'une part, il y a ce côté-là, et puis je pense par ailleurs, enfin j'en suis même convaincu, que ma santé mentale en dépend. Je sais pas très bien comment je vivrais si j'avais pas ces activités-là, savoir aujourd'hui la musique et l'écriture. Sachant que, quand Christophe parle de la musique comme un élément nécessaire à sa santé mentale, il parle de la composition, du fait de fabriquer de la musique. L'écoute, elle, ne suffit jamais. Non, pour moi c'est horrible. Quand j'écoute de la musique, ça me donne des idées. Donc j'arrête la musique et puis je vais faire de la musique. c'est terrible. Parce que toutes les musiques, elles portent en elles-mêmes les germes d'autres choses, une espèce de déploiement sans fin. Enfin, c'est comme ça que je le vis et que je le perçois. C'est-à-dire qu'il y a, un petit truc, un petit détail, un petit accord où tu te dis tiens, mais ça on pourrait. Et puis voilà, c'est un peu comme la cuisine. Toi, tu ouvres ton frigo, tu sais pas quoi faire à manger, t'as deux trois trucs qui traînent, puis finalement c'est super bon. Puis ce sera jamais la même chose. Non, toi c'est pas bon toi, quand tu fais ça. Ça dépend, mais bon, là n'est pas le sujet. Bref, je pense que vous l'avez compris, Christophe ne peut pas s'arrêter de composer. Et quand on jette un coup d'œil à sa discographie, bien trop remplie pour que je me sois aventuré à compter, on a le sentiment d'un ensemble de carnets de notes, de tout un tas de cahiers musicaux qui dessineraient, à force, une sorte de journal intime. Mais pas un journal intime dans le sens où ça raconterait des histoires de vie. Non, ça me ferait penser à, ouais, à l'époque, j'avais telle guitare et je l'accordais comme ça. Donc, bon, c'est pas très intéressant, en fait. Actuellement, je titre les morceaux souvent avec des bouts de phrases tirés de l'actualité, des faits divers, en me disant, tiens, ça, c'est un marqueur de maintenant. Tel ou tel cliché, tel ou tel usage de mots qui apparaissent à un moment donné, qui sont montrés comme d'évidence alors qu'ils ne l'étaient pas trois mois auparavant. Donc souvent je m'en sers de titre, et bien voilà, pour moi c'est une sorte d'aide-mémoire, comme si je mettais un post-it en me disant tiens, dans quelques années ça me fera marrer de voir ce cliché-là, quoi. Mais alors il n'y aurait que les titres qui disent quelque chose et pas la musique en elle-même ? Ah, ce serait abusif de dire ça. Je pense que on peut faire confiance à l'inconscient. Bonjour à vous qui nous écoutez. Vous avez des choses à dire ? N'ayez pas peur et prenez le micro. Que vous aimiez discuter avec des amis ou que vous ayez une envie débordante de partager votre passion ou de développer votre business, faites-vous entendre. Avec Acast, rien n'est plus facile que de lancer son propre podcast. Lancez-le, développez-le et générez des revenus en rendant votre podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous sur acast.com pour vous lancer. Et c'est gratuit.